Chapitre 36e. Le jour d'après, quand elle revint nous voir, M. de Lignol n'était plus au château. Des lettres venues de Versailles, le matin même, l'avaient déterminé à nous quitter sur le champ, quoique nous ne soyons pas une aussi grande idée que lui des affaires importantes qu'il rappelait à la cour. Mais la baronne, au lieu de féliciter son ami, troubla sa joie. Mon père avait chargé Mme de Fontrose de me ramener à Nemours, où m'attendait avec lui ma chère Adélaïde, déjà parfaitement remise de son indisposition et de ses fatigues. Le premier mot de la comtesse fut que désormais nous ne nous quitterions plus, et quand la baronne lui forçait de reconnaître que mon père avait des droits sur moi, Madame de Lignol, appelant M. d'Épaisse en témoignage, soutint que ma faiblesse encore extrême ne permettait pas qu'on me transportât. Elle déclara d'ailleurs que, loin de consentir à me laisser aller tant qu'il y aurait du danger pour ma vie, elle avait résolu de veiller elle-même sur ma convalescence et que nulle force humaine ne l'obligerait à se séparer de son amant avant qu'il fût entièrement rétabli. Madame de Fontrose, après avoir employé les prières, les représentations et les menaces, partit assez mécontente de n'avoir pu rien obtenir de plus. Le lendemain, ce fut mon père lui-même qui vint me chercher. Dès qu'on annonça à M. de Brumont, la comtesse renvoya ses domestiques et courut à mon père. « Voyez, lui dit-elle, d'un ton joyeux et caressant, approchez. Il n'est pas alité. Le voilà dans un fauteuil, le voilà. Nous venons de faire plusieurs fois ensemble le tour de cet appartement. Il a bien dormi, ses forces reviennent, il est mieux, beaucoup mieux. » Mon père s'adressa à moi. « Puisque hier, Madame de Fontrose n'a pu vous ramener, je viens moi-même aujourd'hui. »« Il ne m'écoute seulement pas, » s'écria-t-elle. « Il ne daigne pas m'adresser un mot de remerciement, l'ingrat, pas même une politesse. » « Monsieur, si vous refusez à mes services la reconnaissance qu'il aurait due, ayez du moins pour mon sexe les égards qu'il mérite, et songez que vous n'êtes point ici chez Mademoiselle de Brumont. »« Pour que je me crusse obligé, madame, il faudrait que, seulement instruit de vos actions, j'ignorasse vos motifs. Vous avez tout fait pour ce jeune homme et rien pour moi. Quant à Mademoiselle de Brumont, je ne la connais point. Je viens chercher ici le chevalier de Faublas et l'époux de Sophie. »« De Sophie ? Non, monsieur, le mien, je suis sa femme. »« Oh, je suis sa femme !» Elle m'embrassa. « Et votre fille ? » ajouta-t-elle en saisissant une de ses mains qu'elle baisa. « Excusez mon inexpérience et mes vivacités. Souvenez-vous seulement que je vous aime et que je l'idolâtre. Tenez, je brûlais du désir de vous revoir, de vous parler. Je vais tout vous dire. Depuis quelques jours, il s'est fait un grand changement, un changement heureux. Les nœuds qui l'attachent à moi sont maintenant indissolubles. Avant 9 mois, vous aurez un petit-fils. Écoutez-moi, écoutez-moi donc. Oui, ce sera un garçon, aimable, généreux, sensible. Malheureux enfant, dit enfin le baron, que sa surprise extrême avait longtemps réduit au silence. Quel transport vous égare, et comment pouvez-vous me faire à moi de pareilles confidences? C'est justement à vous que je dois les faire, à vous qui ne voyez en moi que la maîtresse de votre fils, à vous qui, ne connaissant de Madame de Lignol que ses légèretés et ses faiblesses, prenez de son caractère l'idée la plus défavorable et la jugez à la rigueur. Il est vrai que je me suis laissé séduire. Mais comment et par qui? Regardez-le d'abord, et dites-moi si je ne suis pas excusable. Il est vrai que sa victoire fut l'ouvrage d'un instant. Mais voilà précisément ce qui justifie ma défaite. Ma défaite, si je l'avais calculée, eût été moins prompte, et peut-être que je n'aurais pas du tout succombé, si j'avais su ce que c'était que de combattre. Mais de ma profonde ignorance, je n'entendais rien à tout cela, monsieur. Je n'avais d'une jeune mariée que le nom. En doutez-vous? Demandez à Faublas, il vous le dira. Il vous le dira que ce fut lui qui m'enseigna l'amour. Et concevez-vous comment une jeune personne, toute simple, toute innocente, ignorant de l'hymen jusqu'à ses droits, aurait pu connaître ses devoirs et les respecter? Moi, je pris un amant comme j'avais pris un époux, sans réflexion, sans curiosité, mais pourtant, je l'avoue, déterminé par le désir de venger le plus tôt possible un affront qu'on me disait impardonnable. Je pris le chevalier, d'abord parce qu'au moment critique il se trouva là, et puis parce que je ne sais quel instinct naturel me fit le juger très aimable. Ainsi, monsieur, vous le voyez, pour m'être égaré, je ne suis pas criminel. Madame, répondit mon père du ton de l'intérêt, je suis flatté de votre confiance, quoique vous me la donniez très étourdiment. Je conçois que votre extrême pétulance peut, en certains cas, vous servir d'excuse. Et je ne vous dissimulerai même pas que vos aveux m'ont touché par leur imprudente franchise. Autrefois, j'ai blâmé vos égarements, Je plains aujourd'hui votre passion. Mais Phoblas ne vous appartient pas plus que vous n'appartenez à Phoblas. Et comme l'amour dont vous brûlez pour lui ne peut faire que vous cessiez d'être la femme de M. Lignol, de même, les fréquentes infidélités dont le chevalier s'est rendu coupable envers Sophie ne feront pas qu'il ne soit son époux. Madame de Phoblas a sa foi, Mademoiselle de Pontis a son amour. « Non, monsieur, non, car il m'adore. Il me le disait encore tout à l'heure. Tenez, écoutez-moi. Je veux bien convenir qu'il est l'époux d'une autre. Mais aussi, de votre côté, convenez du moins que je suis sa femme et la mère de son enfant. Oui, voilà ce qui m'enchante, voilà ce qui me donne sur lui des droits incontestables. Comtesse, je vais vous affliger. Mais enfin, il faut vous le dire, la circonstance m'impose aussi des devoirs pénibles. Je dois... Quand je vous aurai conseillé le douloureux sacrifice et que vous vous serez obstiné à ne point le faire, je dois ne rien négliger pour vous forcer de l'accomplir. Grand Dieu ! Tout à l'heure, j'emmène le chevalier. Et vous auriez le courage de me réduire au désespoir ? J'aurai le courage de vous rendre à vous-même. Vous voulez priver une femme de son amant ? Allons-vous, ajouta-t-elle en m'adressant la parole. Vous ne dites mot. Joignez-vous donc à moi pour l'engager à rester avec nous. Mais que dit-elle donc ? S'écria mon père. « Permettez-vous que je vous parle à mon tour ?»« Il n'y a pas besoin de faire de longs discours, » reprit-elle encore très vivement. « N'emmenez pas Phoblas, monsieur le baron, je vous en supplie. Si vous saviez dans quelles angoisses j'ai passé près de son lit 24 heures mortelles heures, combien de fois j'ai tremblé pour ses jours, et quand mes soins le rendent à la vie, quand je commence à renaître avec lui, vous auriez la barbare ingratitude de nous séparer ? Hélas, moins malheureux s'il fût mort, il m'eût été permis du moins de le suivre, à la même heure, dans le même tombeau. Monsieur le baron, ne l'emmenez pas. Bientôt, peut-être, vous auriez à vous en repentir, et vos regrets seraient inutiles. Je le sens, et je le dis, je pourrais, dans mon désespoir. Vous ne savez pas tout ce que je pourrais. Ne l'emmenez pas. Prenez pitié d'une mère. Oui, c'est pour mon enfant, surtout, que je vous implore. Que faites-vous ? Répondit-il d'une voix troublée. Relevez-vous, madame. Ah, mes peines vous ont touché. Poursuivit-elle. Pourquoi vous en défendre? Pourquoi vouloir me le cacher? Ne me repoussez pas, ne détournez pas le visage, dites un mot seulement. Mon père, en effet, très ému, ne pouvait plus parler, mais il me fit un signe qui soudain arrêta les pleurs de la comtesse et changea son attendrissement en fureur. Je vous vois, s'écria-t-elle en se relevant, vous paraissez me plaindre et vous me trahissez, méchant, ingrat que vous êtes. Le baron, se faisant à leur violence, balbutia ces mots. « Mon fils, ne m'avez-vous pas entendu ?»« Non, » lui répondit-elle avec impétuosité, « et il ne vous entendra pas parce qu'il n'est pas comme vous, perfide, impitoyable. Chevalier, quittez cette chambre. Garde-toi de le faire. Phoblas, c'est un ami qui vous prie de sortir. Phoblas, c'est une amante qui te conjure de ne pas l'abandonner. » Le baron, qui me vit encore incertain, me dit d'un ton ferme, « Je vous l'ordonne. » La comtesse, qui ne me trouva pas l'air assez docile, me cria, « Je te le défends. » Hélas, à qui des deux me soumettre ? Oh, mon Éléonore, c'est avec désespoir que ton amant te désobéit. Mais le moyen qu'un fils résiste aux ordres de son père ? Madame de Lignol, surprise et désolée de voir que je me levais pour me traîner vers la porte, voulut courir à moi. Le baron l'arrêta. Elle essaya de se jeter sur le cordon de sa sonnette. Il la retint. Elle espérait du moins pouvoir appeler. Il lui mit une main sur la bouche. Aussitôt, le fauteuil que je venais de quitter la reçut évanouie. Je voulais revenir. Mon père m'entraîna. Mon père me donna le bras. Nous descendîmes. Je vis dans ma voiture une femme qui s'y tenait cachée. C'était Madame de Fontrose. Le baron lui dit « Il n'y a pas un moment à perdre. Courez à votre ami, qui se trouve mal. Quant à nous, le temps presse. Il est impossible que nous vous attendions. » « Restez à dîner chez la comtesse, et ce soir vous la prierez de vous renvoyer dans sa berline. » La baronne aussitôt nous quitta, et sur le champ nous partîmes. Mon père resta longtemps plongé dans une rêverie profonde, puis je l'entendis pousser un soupir et murmurer ces mots. « Pauvre enfant, je la plains. » Ensuite il ramena sur moi ses regards attendris, et d'un ton assez ferme, quoique d'une voix encore altérée, il me dit « Mon fils, je vous défends de revoir Madame de Lignol. »